loin, aussi loin que tu sois, et plus loin si je dois, j'irai vers ta lumière. Loin, aussi loin que je peux, et plus loin si tu veux, par-delà les frontières. Je n'ai pas choisi c'est ni le besoin, ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi. Me porte vers toi. Loin, plus loin que l'au-delà, où l'horizon se noie dans le ciel et la terre. Loin, à des milles et des milles, où tout est immobile. J'offrirai mes prières. Je n'ai pas choisi. C'est ni le besoin, ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi. Me porte vers toi. Loin, au bout de l'espérance, trouver la délivrance et du feu et du fer. Loin, je suis né pour servir. Pour servir et mourir, pour souffrir et me taire. Loin, loin jusqu'au pied du ciel, aux ténèbres éternelles, j'irai vers ta lumière. J'irai vers ta